regard s'allume, chaque pixel éclaire, chaque silence s'allume, raille de ce qu'il respire dans vos veines. Chaque viewer apaise mes chaînes. Merci d'être là quand la nuit me pèse, chaque message brise mes braises. Dans le chaos des jeux, vos voix me guident, chaque souffle de vous, mon cœur décide. Vos regards muets, vos clics sincères, chaque instant devient lumière. Raille de ce qu'il ne serait rien sans vous, chaque stream me rend plus fou. Through the screens you stay, entends vos présences pèsent dans le vent. Sous mes mots, vos cœurs vibrent encore. Chaque stream vous ouvre mes portes. De ce qu'il se nourrit de vos regards, chaque pixel devient un phare. Je ne joue pas seul, je joue avec vous. Chaque victoire porte vos coups. Chaîne ancienne, merci à vous, mes ombres fidèles, chaque view éclaire mes rulelles. Through the screens you stay. Chasse mes doutes.